m'avait tout dit, promis. Une belle petite gaïole, une belle petite gaïole. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaïole pour Madame Canary. Troulala, troulala, troulala, troulala, troulala, troulala, troulala. Quand Canary saura chanter, il ira vivre les filles, il ira vivre les filles. Quand Canary saura chanter, ravir les filles pour apprendre à danser. Oulala, oulala, oulala, la lèvre. Oulala, oulala, oulala, la la. Oh, God.